Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Tu es sur la chaîne où on parle d'investissement rentable et sécurisé. Dans cette nouvelle vidéo, j'ai envie de te parler du plan d'action à mettre en place quand on veut investir dans l'immobilier. Mais avant de commencer, laisse-moi me présenter. Je m'appelle Damien, j'ai créé la chaîne Esprit Gagnant pour aider les investisseurs à devenir rentables. J'ai mis en place une formation sur l'investissement locatif de A à Z. Je te propose de la télécharger gratuitement. Tu trouveras le lien dans la description de la vidéo, en dessous ou au-dessus. Cette nouvelle vidéo, je vais te donner le plan d'action à mettre en place pour débuter dans l'investissement locatif. En effet, au début, on a tendance à regarder beaucoup de vidéos, à écouter beaucoup de personnes, et en fait, on se disperse. On dilue sa stratégie, on regarde le bon coin, on regarde se loger, on regarde plein d'endroits différents. Et en fait, on oublie quelque chose qui est de savoir quelle est notre capacité d'emprunt. Et par rapport à ça, on va déterminer notre stratégie. Et je le dis souvent, c'est assez personnel et du coup, tu ne peux pas forcément copier une autre personne. Tu vas forcément le faire par rapport à ta capacité, à l'endroit où tu veux investir. Et ça sera forcément différent du voisin, même si tu le connais très bien, l'autre investisseur. Va peut-être habitera à 100 km, à 200 km, n'aura pas le même salaire, n'aura pas les mêmes charges de foyer, et du coup, vous ne pourrez pas avoir la même stratégie. Donc, la première étape à mettre en place, c'est de calculer ton taux d'endettement. Donc, c'est assez simple, la BOG va te suivre sans problème jusqu'à 33% de tes revenus. Donc, si tu gagnes 1500 euros, la banque va te suivre jusqu'à des mensualités allant jusqu'à 500 euros. Ça ne veut pas dire forcément que dès le premier bien, il faut t'endetter à des mensualités de près de 500 euros. Parce que du coup, tu vas avoir un problème pour multiplier les investissements locatifs. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est de multiplier rapidement les investissements pour pouvoir diluer ton risque. Donc la première étape, calculer ce taux d'endettement. À partir de ce taux d'endettement, tu vas regarder ta stratégie pour pouvoir emprunter. Imaginons que tu puisses donc avoir 500 euros de mensualité. Cela va te donner une capacité de financement de 100 000 euros. Tu vas pouvoir emprunter 100 000 euros à la banque. Tu as la stratégie d'emprunter 100 000 euros sur un bien, ou d'emprunter par exemple 100 000 euros sur deux ou trois biens, sur deux biens à 50 000 euros par exemple. Donc tu vas aller sur des biens à 50 000 euros, donc tu vas en rentrer un premier pour 250 euros de mensualité, et du coup derrière tu vas faire en sorte d'être rentable tout de suite, et tu vas par exemple pour 250 euros de mensualité avoir des revenus locatifs à 500 euros, et du coup ces 500 euros vont venir se cumuler dans ton revenu, dans ton salaire par exemple, donc tu gagnes 1500 euros, tu rajoutes 500 euros, bon souvent la banque prend 70% à 80% de tes revenus locatifs. Donc sur 500 euros, disons qu'il va rester 350 euros. Donc 1500 euros plus 350 euros, ça fait 1850 euros. Donc tu as en fait augmenté ta capacité d'emprunt grâce à cet investissement locatif. Donc dans ton premier montage, tu avais 1500 euros de salaire, 250 euros de prêt, donc tu étais endetté à 17% vis-à-vis de la banque. Et grâce à ton investissement locatif qui était rentable, tu as baissé en fait ce niveau d'endettement par rapport à ton bien. Puisque du coup, la banque va prendre ton revenu locatif moins les 30%, donc de tes 500 euros de revenus locatifs, ils vont prendre 350 euros. Donc 350 euros plus tes 1500 euros de salaire, ça fait 1850 euros. Par rapport à ta mensualité de prêt de 250 euros, tu vas être qu'à 13% d'endettement. Donc tu vas avoir baissé, grâce à ton revenu locatif, tu vas avoir baissé ton endettement. Et en fait, tu vas t'apercevoir qu'avec ces petits mécanismes-là, tu vas pouvoir enchaîner les investissements locatifs. Si dès le départ, tu fais des investissements locatifs qui sont rentables. Maintenant, si tu fais la même opération, mais que ton prêt, il vaut 250 euros et que ton loyer est à 250 euros, la banque, elle va pas te suivre très longtemps puisque du coup, tu vas plomber ton taux d'endettement dès le début. Donc, si tu fais quelque chose de rentable, en fait, tu vas alléger ton taux d'endettement à chaque fois que tu vas rajouter des revenus locatifs. Donc, c'est ça le but. C'est du coup, tu vas avoir une ligne d'endettement qui va monter tout doucement, voire qui peut diminuer si tu as vraiment des investissements très très rentables. Après, je mets un petit bémol, on entend beaucoup de choses là-dessus. Maintenant, la banque n'est pas dupe. Si tu vas avoir, pour avoir des investissements très très rentables, il faut prendre un risque assez élevé, c'est-à-dire aller potentiellement dans des endroits un peu plus, dans des villages ou dans des villes un peu plus éloignées. Et du coup, certaines banques vont quand même encore plus te baisser le ratio et du coup, vont pouvoir des fois prendre que 40%. Pardon. Prendre que 60% et te mettre un abattement de 40% sur tes loyers par rapport aux charges, par rapport à la vacance locative. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut faire des investissements rentables pour que ton taux d'endettement augmente très légèrement à chaque opération et que tu puisses du coup enchaîner, enchaîner, enchaîner les opérations. Parce que quand ensuite tu auras montré à la banque que tu es capable d'enchaîner les opérations, bien évidemment, on ne parlera plus du taux de 33% d'endettement. On pourra monter à 40, voire à 50% selon ton reste à vivre. Nous avons vu les deux premières actions à mettre en place pour investir dans l'immobilier. Action numéro 1, on calcule son taux d'endettement et du coup, on va avoir le montant que l'on peut emprunter au niveau de la banque. L'action numéro 2, on va avoir sa stratégie globale d'investissement et comment on utilise ce montant en une, deux, trois opérations et faire en sorte que son taux d'endettement monte le plus lentement possible vis-à-vis de la banque pour nous permettre d'enchaîner, d'enchaîner, d'enchaîner les biens immobiliers. Donc, on a beaucoup parlé de taux d'endettement, de combien le banquier pourrait te prêter. Maintenant, c'est vrai que je ne t'ai pas dit d'aller voir ton banquier et très honnêtement, je te le déconseille. Tant tu as des outils en ligne qui te permettent de faire très facilement tous les calculs dont je t'ai parlé dans cette vidéo. Le problème de ton banquier, c'est qu'il risque de te dire je vous suis d'abord, mais achetez votre résidence principale. Ou alors non, mais je ne vous suivrai pas, c'est trop dangereux. En fait, il risque de te mettre un mindset négatif, il risque de te décourager. Sans faire exprès, mais il risque de te décourager alors que toi, là, tu es motivé, tu as envie de passer à l'action. Et en fait, tu n'as pour l'instant pas besoin de lui pour trouver le bien. Une fois que tu auras le bien, tu te rappelles le triangle. Une fois que tu auras le bien, on ira voir le financement. Là, tu sais que tu peux emprunter 50 000 euros, tu le sais parce que tu as fait tes calculs et que ça a l'air de passer, et que si tu t'endettes à 33%, honnêtement, tu trouveras forcément une banque qui te suivra. Ce ne sera peut-être pas ta banque d'aujourd'hui, mais tu trouveras forcément une banque sur le marché qui va te suivre si tu es dans un taux d'endettement à 33%. Donc, on va chercher le bien par rapport au budget que tu auras défini, et derrière, tu trouveras le financement sans aucun problème. Aller voir le banquier maintenant, c'est potentiellement te décourager, te démotiver et repousser un petit peu ton passage à l'action. Tu peux aller voir par contre un courtier. Tu as pas mal de courtiers qui s'y connaissent, qui connaissent l'investissement locatif et qui vont comprendre ce que tu dis. Maintenant, moi, ce que je te dis juste, c'est toujours une question de gain de temps. C'est aujourd'hui, il y a tellement d'outils en ligne que ce n'est pas la peine d'aller perdre une heure ou deux à se déplacer. Là, on fait un truc à la louche, c'est-à-dire tu regardes le taux moyen que tu pourras avoir sur meilleur taux. Ok, tu regardes ça sur 20 ans, tu regardes combien ça fait par rapport à ton salaire, à tes revenus, à ta capacité d'emprunt. Point barre, tu vas pas plus loin. Si tu as aimé cette vidéo, mets-moi un gros like. N'hésite pas à la partager à des amis investisseurs. Laisse-moi un commentaire si tu veux une précision sur un calcul. Si tu ne veux manquer aucune de mes prochaines vidéos, surtout abonne-toi à ma chaîne. Je te dis à très bientôt. Porte-toi bien. Ciao, ciao!